belle, ni Vigila. Albert Ndouaï assure la mise en onde. Bonsoir et bienvenue à cette actualité de la soirée, dont voici d'abord les principaux titres. L'organisation CGPAE de défense de droits de l'enfant regrette la décision de l'école à Kamouli de la province de Kirundo de renvoyer les trois écolières libérées par la justice après avoir été accusées d'avoir gribouillé la photo du président de la République et déplore également la détention de deux autres pour le même motif en province Gitega. Vous entendrez la réaction de David Ninganza de cette organisation. Et reconnaître la pauvreté serait la première étape pour la combattre, c'est le point de vue de l'organisation Parsem qui parle de la pauvreté comme premier défi qui hante le Burundi, se référant sur les enquêtes menées par l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi. Vous en aurez également les détails tout à l'heure. Et manque d'eau dans la capitale politique Gitega, où certains quartiers peuvent passer trois jours sans que l'eau coule des robinets. Et chez le voisin de Gitega en province Karusi, on parle de manque de courant électrique depuis une semaine. Et l'interdiction par l'administration communale de vente du thé à l'usine Protem ne plaît pas les théiculteurs de Rusaka en province Mwaro. Nous appellerons Laurent Dikulio depuis Mwaro. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, bonne gouvernance pour débuter cette édition. La pauvreté au Burundi est un grand défi auquel faut-il s'attaquer avec énergie, citant les enquêtes menées par l'Institut des statistiques d'études économiques du Burundi, STEBU. La Parsem indique que 7 sur 10 des Burundais vivent dans la pauvreté avec moins d'un dollar par jour. Dans une conférence de presse, le directeur national de la Parsem, Forsandi Kouman, a indiqué que le fait d'accepter cette pauvreté serait la première étape pour la combattre au Ban Niyonguru. L'appel d'abord, il faut être conscient de la situation. Selon la Parsem, il faut d'abord reconnaître que la pauvreté est un réel défi au Burundi pour la combattre. Au cours de cette conférence de presse, le directeur national de la Parsem a expliqué que les études faites par l'ISTEBU et d'autres experts montrent que 70% de Burundais vivent dans la pauvreté. Tous les experts projettent ça à dire qu'environ 70% de Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté. 7 Burundais sur 10. Donc en dessous d'un dollar par jour. Avec un gap de 25%. Ça veut dire au lieu d'atteindre ce dollar, beaucoup de Burundais atteignent plutôt avec un gap de 25%. Ça veut dire 0,75. Parce que le gap aussi est évalué. Si c'est en dessous d'un dollar, ce n'est pas que tout le monde approche même ce dollar. Se basant sur les études faites par l'ISTEBU en 2014, Faustin Dikoumana a précisé que la situation s'est empirée avec la crise que traverse le pays depuis 2015. Il faut l'évaluer. On part des récentes publications de l'ISTEBU de l'enquête de la pauvreté de 2014, juste la veille du déclenchement de la crise. Le taux de pauvreté en 2014 était estimé à 64%. C'était déjà très élevé. Dans d'autres pays, 30% c'est déjà l'alerte. Malheureusement, si on compare les taux de pauvreté monétaire et le taux de pauvreté en condition de vie, on constate qu'il y a des provinces qui ont un état de pauvreté qui dépasse l'entendement. Concernant la pauvreté en condition de vie, le directeur national de la Parsem souligne que 10 provinces sont plus menacées que les autres. 10 provinces dépassent la moyenne nationale. Kirundo 87%, Chamuzo 86%, Ruigi 85, Karusi 81, Gitega 78, Muinga 73, Bubanza 72,5, Kayanza 70, Rutana 69, Muramvya 68. C'est quand même inquiétant. Pour trouver solution à ce défi, Faustin Dikoumana en appelle à tout un chacun d'afficher une solidarité commune devant ce danger. Merci, Oban Niyonguru. 19 élèves ont été blessés pendant les heures de classe à l'école fondamentale Busengi à Kirundo suite à l'écroulement de murs à cause de pluies torrentielles de ce mercredi. Le directeur de cet établissement scolaire sollicite à tout bienfaiteur de leur venir en aide pour réhabiliter deux classes démolies afin de permettre aux élèves la reprise des cours, surtout que la période des examens est proche. 4 de ces 19 élèves ont été gravement blessés. Pour le moment, ils sont alités à l'hôpital de Kirundo, tandis que d'autres blessés légers sont rentrés et subiront le traitement étant dans leur famille. Une information que nous devons à notre correspondante Agnès Naumagadze depuis Kirundo. L'association pour la défense des droits de l'enfant, CGPAE, dit avoir mal accueilli la maison de renvoyer définitivement les écolières de Kirundo accusés d'avoir gribouillé les images du chef de l'État. Se trouvant dans les manuels scolaires, David Ninganda de CGPAE trouve que cette mesure a été activement prise. Au moment où ce dossier est toujours pendant en justice, suivez David Ninganza de Sojepay. Le parquet de Genève fait la cour d'appel de Rosy avait libéré ses enfants pour qu'ils embrassent le milieu scolaire. C'est vrai que l'école s'est appuyée sur le règlement scolaire. Ils ont évoqué aussi un article qui stipule que ces enfants doivent être renvoyés. C'est vrai, c'est mentionné que la décision méchante d'un manuel scolaire est sanctionnée par un renvoi ou bien d'autres sanctions. Ça dépend des écoles qui ont amélioré le règlement. Mais ici, je voulais signaler l'école que le dossier est entre les mains de la justice. Donc, la loi burundaise stipule que le pénal tient le civil en état. Le ministère de l'Éducation aussi est concerné, l'école aussi est concernée. Imaginez-vous si une fois les enfants sont brachés sur cette infraction, qui va indemniser ces enfants donc qui vont rater l'année. Vous comprenez que l'école devrait attendre les résultats rendus par la juridiction qui a le dossier à mettre. Cela étant, deux autres écolières cette fois-ci de Gitega sont sous les verrous pour avoir elles aussi gribouillé les photos du président de la République, David Ninganza. Trouve qu'il peut y avoir des commanditaires derrière cette situation similaire à d'autres qui ont été jadis observés, surtout pendant la période allant vers les élections. Il demande cependant à ceux qui seraient derrière cette manipulation d'y renoncer. Après une courte pause, on va passer en page société. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les usagers de la route Mutakura-Bobanza, surtout près du rond-point des Nations Unies, disent éprouver des difficultés pour passer dans ce tronçon pendant les heures matinales à cause de l'embouteillage et dans la route est déjà en mauvais état. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro avancent que chacun essaie de passer dans un endroit qui lui facilite et cause parfois des accidents. Ils réclament au moins la régulation policière régulière suivie. Lorsqu'on passe sur cette route, nous les conducteurs de moto ainsi que nos clients, nous sommes trop gênés. Souvent, les amortisseurs sont endommagés. Alors, en attendant qu'on réhabilite la route, je demande qu'on cherche un autre raccourci pour certains et bloqué pour d'autres, comme on le fait souvent lorsqu'on réhabilite une route. Et dans ce cas, par exemple, passer par la gare du Nord ou par la chaussée dit Buchonyori. Dans ce cas, nos clients nous comprendraient. Vers le matin, les motos, les vélos, les piétons ainsi que les gens qui se rendent au travail sont nombreux. Et souvent, chacun veut passer dans un endroit qui lui facilite la tâche. Parce que les autorités ont accepté de réparer cette route, en attendant, ils pourraient couvrir ces nids de poules afin de nous faciliter le transport. Franchement, ça dépasse l'entendement. Il y a des heures où on ne prend plus des clients. Imaginez vous rester avec un client durant une heure. On préfère laisser qu'on fasse quelque chose pour agrandir la route et qu'il y ait enfin une régulation régulière de la police. On peut rester une heure dans cette route à cause de l'embouteillage. La police de la sécurité routière est juste là pour constater les dégâts en cas d'accident. Je demande au moins 6 policiers qui orienteraient différents passagers provenant de différents quartiers, dont Chibitoke et Kamenge. Politique à présent dans la série de présentations de projets de société par les partis politiques. Le parti Fidesz Sangira met en avant la réconciliation du Burundi comme il en a été le cas dans le passé. Gervais Niyongabo, leader de son parti, dit également que les relations diplomatiques du Burundi avec notre pays doivent être rétablies. Ce parti prévoit aussi des mesures qui faciliteraient les Burundais à accéder à la mutualité. Suivez Gervais Niyongabo, président du parti Fidesz Sangira. En ce qui concerne la politique de manière générale, on doit d'abord réconcilier le Burundi. Il faut qu'il soit réconcilié avec lui-même. Vous vous rappelez très bien qu'en 2000, on a eu les accords d'Arusha pour l'unité des Burundi. Mais malheureusement, on constate qu'il y a un peu de dérapage. Donc, il s'avère nécessaire de rentabiliser l'accord d'Arusha dans l'esprit du renforcement séculaire de l'unité des Burundi. Mais lorsque vous parlez de réconciliation pour les Burundi, aujourd'hui, il y a l'unité entre les Hutus et les Tutsis. Non, aussi longtemps qu'il y a des Burundais qui sont en exil, des Burundais qui se sentent exclus ou frustrés, ça on ne peut pas parler d'unité. Parce que l'unité, c'est-à-dire c'est, quand on est dans l'unité, il n'y a pas de frustration pour une catégorie de population. Et l'autre partie, c'est la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, c'est une souveraineté, c'est une doctrine qui fait que le citoyen a le droit de faire, d'avoir sa dignité à travers ses droits de s'organiser, le droit de revendiquer ses droits à qui les a confiés, aux élus, et la possibilité de revoir ou de retirer le mandat. L'autre point important pour nous, c'est le renforcement de l'administration publique et les institutions publiques. Le renforcement de l'administration publique passe d'abord par sa neutralité politique. Au niveau diplomatique, nous voulons des relations avec les États, en commençant par les voisins, la sous-région, l'Afrique et le monde entier, des relations d'égal à égal et avec le principe gagnant-gagnant. Au niveau social, nous pensons que le secteur éducatif doit être revu pour permettre à tous les enfants en âge de scolarisation d'être allés à l'école et jusqu'au moins en 10e année et sans payer les frais scolaires. L'enseignant doit être valorisé pour qu'il soit motivé pour donner une meilleure éducation. En matière d'emploi, la politique d'emploi doit être revue pour permettre la création d'emplois, l'harmonisation des salaires et la révision du système de pension. Nous, nous préconisons qu'au minimum, un fonctionnaire ou un travailleur qui entre à la retraite touche au moins 70% de son ancien salaire. En matière de santé, on doit créer une mutualité. Tout le monde doit avoir une carte d'assurance maladie et c'est possible. Et le système sanitaire doit être revu pour permettre effectivement des soins et des infrastructures d'accueil capables de garder la santé de la population. Qu'est-ce qui peut rassurer que ce projet de société est exécutable? Ce qui peut l'assurer que notre projet de société est exécutable, c'est que c'est notre volonté politique de le faire. Je peux vous dire que rien ne peut être fait s'il n'y a pas de volonté politique, si on n'accepte pas d'instaurer une politique de bonne gouvernance, dans tous les secteurs. De la politique à l'économie, près de 7 milliards de francs burundais ont jusqu'ici été transférés à plus de 49 000 ménages se trouvant dans 16 communes du pays à raison de 40 000 francs burundais tous les deux mois. Des précisions sont du coordinateur du projet Merangabandi lors d'un café de presse ce jeudi, Michel Ngabenda, a en outre indiqué que ce projet est soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars américains sur 36 mois et dans 4 provinces. Il a en outre souligné que le gouvernement est en train de discuter avec la Banque mondiale afin de revoir à la hausse le montant transféré à chaque ménage. Suivez-le, qui est au micro de Mireille Kanyang. Notre projet intervient dans 4 provinces et dans 16 communes et dans 247 collines qui ont été déterminées, les premières, les provinces et les communes, sur un double critère, c'est-à-dire le taux de pauvreté monétaire plus le taux de malnutrition chronique. Donc les zones géographiques qui sont les plus affectées par la pauvreté monétaire et par la malnutrition chronique des enfants ont été celles qui ont été privilégiées, et à savoir Ruyigi, Karusi, Gitega et Kirundo. Les paiements sont effectués de façon bimensuelle. Donc tous les deux mois, nous procédons au paiement des ménages enregistrés en leur procurant, en leur transférant 40 000 francs bout tous les deux mois. Durant toute la durée du projet, chaque ménage aura reçu un montant de 600 000 francs bout, l'équivalent de 360 dollars américains en transfert monétaire. Les résultats jusqu'en mars 2019 des paiements, nous avons pu payer tous les bénéficiaires enregistrés, soit un nombre de 49 000 ménages, 165. Donc voilà que nous sommes arrivés au mois de mars à 5 milliards 975 millions 920 000 francs burundais qui ont déjà été transférés en espèces aux ménages qui font partie du projet Merangabandi. Mais notez que à ce moment même, des paiements sont en cours dans les 4 provinces et nous aurons effectivement proche de 7 milliards qui auront déjà été injectés au niveau des populations vulnérables au cours de ce mois. Je vous l'avais dit en titre, manque d'eau dans les écoles, régime d'internat et dans certains quartiers de la ville de Gitega, la capitale politique, peut passer plus de 3 jours sans aucune goutte d'eau dans le robinet. Une situation qui se présente ainsi depuis plus d'une année, certains directeurs d'école à régime d'internat craignent que les élèves attrapent des maladies liées aux mains sales. À la régie des eaux Gitega, on indique qu'il y a un projet de multiplication des sources d'eau pour résoudre ce problème. Arthur Kavabouche. Certains directeurs d'école à régime d'internat dans la ville de Gitega contactés indiquent que cette pénurie d'eau risque de causer des maladies liées au manque d'hygiène. Comme ils le disent, leurs élèves manquent de l'eau pour leurs toilettes ainsi que dans les latrines où il y a une odeur peu supportable. Autre chose, disait-il, même si ces élèves vont puiser de l'eau dans les vallées, ils craignent de microbes, d'où alors demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Ingénieur Jean-Claude Manjakiza, chef d'antenne de la régie des eaux au centre-est, dit que le manque d'eau est une réalité, tout en tranquillisant les abonnés que des travaux sont en cours pour trouver solution à ce problème. Et parmi ces travaux, il y a celui de multiplier les sources d'eau dans la province de Gitega et surtout dans la ville de Gitega qui ne cesse de s'agrandir ou dans la vallée de l'Ossibou à Nyanzari, des machines sont en train de faire des forages afin de multiplier la quantité d'eau dans cette ville qui abrite la capitale politique. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Aux voisins de l'Est, les habitants du chef-lieu de la province Karusi s'indignent du manque de courant électrique. Il y a une semaine, ceux qui vivaient d'activités nécessitant du courant électrique et la plupart de bureaux déplorent que leurs activités soient complètement suspendues à la régie des eaux. On explique qu'il s'agit d'un transformateur de la place tombée en panne et précise en avoir informé les concernés jusqu'à la direction générale. Blaise Pascal Kararoumi. C'est depuis vendredi de la semaine passée que la plupart des habitants du chef-lieu de la province Karusi n'ont pas de courant électrique. Les travailleurs et les propriétaires qui exercent le métier ou service demandant du courant électrique s'indignent qu'ils ne font plus rien. C'est notamment les machines décortiqueuses et les moulins qui sont même les plus nombreux dans cette même localité. Les secrétariats publics, les pâtisseries, les soudures et toutes les activités nécessitant du courant au marché du chef-lieu de la province car aussi et dans les environs. Nous citerons aussi les bureaux, tant publics que privés, les bureaux des ONG et les banques, dont les machines et ordinateurs constituent le premier outil de travail. À la régie des eaux, on indique qu'il s'agit d'un transformateur qui est tombé en panne depuis ce jour, signalant que le problème est déjà connu jusqu'au niveau de la direction générale de la régie des eaux. Les habitants du chef-lieu de la province car aussi disent espérer que ce transformateur sera réparé ou bien complètement remplacé. Et ceux qui utilisent les groupes électrogènes déplorent qu'ils utilisent beaucoup de moyens, tout en signalant que même le carburant mazotite et mazout n'est pas trouvable à Karusi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumié. Non loin de chez vous, 84 sources d'eau ont déjà tari et plus de 200 autres sont en cours de tarissement en province Muyinga. Le bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage précise que dans le cadre de la prévention, les eucalyptus proches des sources d'eau sont déracinés. Les arbres plantés avec le programme d'Iewe Burundu Rambaye doivent être entretenus, Dieudonné Nzeyimana. Les effets de la destruction de l'environnement pèsent sur tous et sans exception. Roger Sendeguia, directeur du bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage, PPAE en sigle, cite ici le cas des sources d'eau qui ont tari. Il signale que le dessèchement des sources d'eau est une sérieuse menace. 84 sources d'eau ont complètement tari dans toute la province sur un total de plus de 1600 sources et des 100 autres sources sont en cours de tarissement. Certaines activités sont en cours d'exécution pour la prévention. C'est notamment le dessouchage des eucalyptus, arbres qui consomment plus d'eau. J'ai dit dans chaque commune, un site est ciblé. Les arbres proches des sources d'eau sont déracinés. On entretient aussi les plans récemment installés dans le cadre du programme Ewe Burundi Urambaye. Le directeur provincial de la BPAE invite tous les habitants à répondre massivement à ces activités du jeudi dédiées à la protection de l'environnement de Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana, agriculture, pour clore cette édition. Les téiculteurs de la commune Lusaka en province Moaro se plaignent que l'administration communale leur a interdit le droit de vendre leur production à l'usine Protem. Ils disent qu'ils éprouvent des difficultés pour subvenir aux besoins familiaux. Le gouverneur de la province Moaro promet qu'il compte adresser une correspondance aux autorités hiérarchiques pour qu'une solution irrelative puisse être trouvée. Laurent Dicouli. Selon cet écriture de la commune de Lusaka, l'administration communale leur interdit de vendre leur production de thé à l'usine Protem, mais elle leur exige de la vendre à l'usine OTB. Il précise que les années passées, chaque thé culteur avait le droit de vendre les feuilles de thé à la société de son choix, selon la société qui l'a encadré. Bonaouch Alexandre, un thé culteur de la colline Nyaruchamo, dans la commune de Lusaka, dit que avant, il pouvait contracter des dettes auprès des commerçants et boutiquiers, quitte à rembourser le jour de la paye sur la vente de la feuille verte du thé. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Pazomora Barnabé de la colline Nyagashanga, c'est dans la même commune de Lusaka, dit quant à lui qu'il perdait du temps en attendant que le véhicule de l'OTB puisse venir récupérer la quantité de thé alors que les années passées, ils vendaient à la société de leur choix. Il précise que certaines plantations ne sont pas récoltées et continuent à pousser. Nahimana, une dame de la colline Bugorora dans la même commune de Lusaka, signale qu'elle pouvait facilement s'acheter en pagne après la vente du thé. Il dit que quand ces agriculteurs tentent d'amener leur production dans une autre commune, certaines gens leur en empêchent. Ces agriculteurs demandent à l'administration provinciale de leur permettre de vendre les feuilles de thé à l'usine de leur choix, soit Protem, soit OTB. Le gouverneur de la province Moaro, Jamaï Nyakaregua, dit que cette question est déjà connue des hautes autorités du pays. Il précise qu'il compte dans les prochains jours adresser une correspondance aux autorités hiérarchiques pour qu'une décision relative soit prise. En attendant, il demande aux agriculteurs d'être patients. De Moaro, Laurent Décolio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Décolio et c'est par cette correspondance que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Ndouayo pour la mise en onde. Excellente soirée à tous. Au revoir. Eli Nibel, Nivigira.